Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Fabrique de l'Histoire dont on espère qu'elle vous surprendra car nous vous proposerons tout au long de cette année une nouvelle formule plus pédagogique, plus claire, du récit, du débat, des archives, du documentaire, désormais le jeudi, notez bien cette date pour le documentaire, et de l'actualité évidemment toujours le vendredi. Pour débuter cette saison, la 20e de la Fabrique de l'Histoire, nous participons à la semaine spéciale de France Culture 2008-2018, la grande crise, 10 ans après, en partenariat avec Le Figaro, avec d'autres émissions quotidiennes comme Entendez-vous l'écho, ou encore C'est à 14h, ou encore La Compagnie des auteurs à 15h, et Le Feuilleton ce soir à 20h30. Nous réfléchirons à ce que fut cette crise, à ce qu'est même une crise économique. Demain, à propos du rôle des banques, mercredi en nous interrogeant sur le rôle de l'Europe dans la crise, et jeudi avec le documentaire d'Anaïs Quien et Anne Fleury sur la crise islandaise. Et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une comparaison entre deux crises, celle de 1929 et celle de 2008, avec un grand spécialiste, Pierre-Cyril Aucœur, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Depuis le 21 octobre 1929, les États-Unis subissent un krach boursier encore jamais atteint dans le monde. Pour ne citer que deux chiffres, l'action de la Radio Corporation tombe de 114 à 32, celle de General Motors de 91 à 40. La diminution de valeur des titres dépasse à l'heure actuelle 1200 milliards et nul ne peut prévoir quand et à quel chiffre s'arrêtera le krach. Déjà, certaines grosses banques sont menacées. Toute la presse bourgeoise et socialiste est très discrète sur cette catastrophe financière. On comprend ça. Aussi bien les Reynaud, fascistes, que les Spinasse Dubreuil, socialistes, ne cessent depuis des années de se pâmer devant la prospérité américaine. Tous les négriers de la métallurgie, de la mine et du rail vantaient à qui mieux, les hauts salaires américains, l'auto individuel pour chaque ouvrier, etc., etc. Notre patronat de combat décrivait avec un enthousiasme lyrique la prospérité américaine, l'appréhension d'une crise économique naissante. La surproduction agraire, l'agiotage effréné dans tous les domaines et dans lequel était entraîné de plus en plus même l'aristocratie ouvrière sont indiscutablement les causes de cette catastrophe sans précédent. À la lumière de cette crise, tous les travailleurs qui réfléchissent constatent aujourd'hui combien est précaire cette prospérité qui d'ailleurs reposait sur une misère affreuse des couches les plus exploitées de la classe ouvrière et de la paysannerie laborieuse. Jamais encore pareille débâcle n'avait existé dans le monde. En dépit des efforts désespérés des Morgan et des grands industriels, la panique reste formidable. Autour de Wall Street, ce n'est que pleurs et grincements de dents. Voici ce qu'écrivait, et c'est grâce au site Retro News de la Bibliothèque nationale de France que j'ai retrouvé ce texte, ce qu'écrivait L'Humanité le 16 novembre 1929. Bonjour Pierre-Cyril Aucœur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être le premier invité de cette saison et le premier invité de cette série donc consacrée à la crise de 2008. Et je commence, évidemment, vous êtes spécialiste de la crise de 1929 et vous avez écrit en particulier un repère à la découverte sur cette crise-là. Je commence évidemment par un texte de 1929 parce que en 2008, tout le monde a dit dans le monde entier, c'est la plus grave crise économique depuis 1929. Est-ce que c'était vrai, Pierre-Cyril Aucœur ? C'était vrai dans une certaine mesure, puisque effectivement, dans les premiers mois de la crise 2008, on a un effondrement d'un certain nombre d'indicateurs économiques qui n'a pas eu de précédent depuis 1929 et qui n'a eu que ce précédent-là même. La production industrielle, le commerce international, les indices boursiers dont vous parliez à l'instant, tout cela s'effondre aussi vite, voire même plus vite qu'en 1929, en 2008-2009. Et d'où, effectivement, le recours à cette comparaison, qui par ailleurs est une comparaison extrêmement importante pour l'histoire de la science économique et de la macroéconomie en particulier. Et parce que, simplement, le modèle de crise, qui est le modèle de 1929, est un modèle qui continue à être regardé, analysé, discuté par les historiens de l'économie dans votre petite découverte, Gallimard, la découverte, petit repère, la découverte. Vous expliquez bien, Pierre-Cyril Aucœur, que jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, des historiens de l'économie écrivent sur cette crise de 1929 et ne sont pas d'accord, débattent de ses causes, par exemple, ou de sa résolution. Il se trouve que la crise de 1929 est un cas unique dans l'histoire d'une dépression à la fois mondiale et qui dure très longtemps et qui a un impact majeur et qui par ailleurs débouche sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un moment crucial, c'est un moment où on remet en cause l'existence, l'efficacité du capitalisme comme mode de production. Il y a l'influence soviétique qui fait que ce modèle est particulièrement discuté à ce moment-là. Et donc c'est un moment tellement important que toute la science économique, en fait, se sent obligée d'expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Et tous les grands théoriciens depuis Keynes à l'époque, Irving Fisher à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, se sentent obligés de fournir une explication. Et en fait, on est un grand macroéconomiste quand on a fourni une explication originale de la crise de 29. C'est-à-dire que c'est encore vrai aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment assez fascinant. Et en même temps, personne n'est satisfait des explications qui sont apportées jusqu'à présent. Oui, c'est la fabrique de l'histoire, c'est-à-dire qu'on relie chaque fois un événement historique à l'aune de ce que l'on est en train de vivre soi-même. Mais par exemple, des grands acteurs de la crise de 2008, par exemple, Bernanke, qui a dirigé la Fed à ce moment-là, est un analyste de la crise de 29. Absolument. Bernanke a écrit plusieurs articles importants sur la crise de 29, dans la lignée de Milton Friedman, qui était plus ou moins son mentor, et qui avait écrit lui-même une histoire monétaire des États-Unis, dont le chapitre sur la crise de 29 a été le point central du renouveau monétariste et libéral dans les années 70-80. C'est un livre qui date de 63. Bernanke a fait ça, mais au moment où Obama arrive, il nomme lui-même à la tête du conseil d'analyse économique américain, donc les conseillers économiques du président, Christina Romer, qui est une professeure de Berkeley, qui est elle aussi une spécialiste de la crise 29. Donc vous voyez que c'est vraiment un sujet sur lequel tout le monde pense qu'il faut s'inspirer de ce qui va se passer là. Et pourtant, à mon avis, c'est une erreur. Voilà. Alors justement, nous allons y venir. D'abord, en histoire de l'économie, comment qualifie-t-on une crise et en quoi se distingue-t-elle d'autres types de, disons, rétraction, par exemple, du marché, de moments difficiles pour l'économie, soit d'un pays, soit l'économie internationale. Pierre Cielo. Alors autrefois, à l'époque où le vocabulaire était un point important, la précision du vocabulaire était un point important pour les économistes, les gens... Vous voulez dire que c'est plus le cas aujourd'hui ? C'est moins le cas aujourd'hui, et notamment du fait d'utilisation d'une lingua franca qui n'est pas la langue que maîtrise spontanément la plupart des économistes, et donc qui s'appuie sur beaucoup plus vocabulaire fruste et des concepts relativement simples, mais qu'ils combinent de manière extrêmement complexe. Vous voulez dire qu'il y avait auparavant la crise et d'autres termes, déflation ou d'autres comme ceci? Absolument, quelqu'un comme Simian, qui était un grand analyste des cycles, réfléchissait sur la crise comme étant le point de déclenchement d'une récession qui elle-même pouvait devenir une dépression si elle se prolongeait très longtemps et si elle englobait un grand nombre d'indicateurs économiques. Donc il y a effectivement tout un vocabulaire. Ça, Simian, c'est le début du XXe siècle. C'est dans l'entre-deux-guerres. Hein. Simian écrit encore dans les années 30, il est au Collège de France à ce moment-là et il écrit sur ces sujets. Bon. Malheureusement, il va disparaître trop tôt pour réellement faire une analyse de la crise de 29, ça nous aurait intéressé. Mais autour de lui, il y a toute une série de gens qui partagent ce type d'analyse, Kondratiev, qui sont bien connus. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'anglais, par exemple, l'utilisation du terme de crisis, par exemple, suffit à ramasser ces termes qui étaient beaucoup plus distincts les uns des autres dans la pensée de Simian ou pas du tout? Non, il y a autant de précision de vocabulaire en anglais, a priori, hein, même plus, on sait que l'anglais a un vocabulaire très riche, mais simplement, les gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle l'utilisent de manière souvent plus sommaire que ceux qui sont éduqués à Oxford. Alors donc, qu'est-ce qu'une crise économique, Pierre-Cyril Auqueur? Alors une crise économique, c'est un phénomène qui a lieu de manière très fréquente, où on a un retournement de conjoncture, et ces retournements, on peut montrer que s'ils ne suivent pas des périodicités très régulières, comme le suggéraient les théories des cycles, ils sont quand même d'une récurrence suffisamment fréquente pour que ça n'amène pas forcément à s'en inquiéter. Et c'est ce qui d'ailleurs conduit à une ambiguïté dans la réaction des pouvoirs publics. Quand une crise commence, il y a une partie qui est nécessaire, inévitable, et il faut simplement l'atténuer un peu, mais il ne faut pas s'en soucier plus que ça. Mais si elle a une gravité trop grande, elle risque de dégénérer dans une véritable récession, voire une dépression, et dans ce cas-là, effectivement, ça implique une action particulière. Et le débat politique consiste toujours à savoir dans quelle mesure on est dans une situation ou dans une autre. Alors, il y a aussi des économistes qui osent, à un moment donné, en pleine crise, comme pendant la crise de 29, qui n'est pas une crise, mais plusieurs crises qui se succèdent, Pierre-Cyril Dewoker, l'appeler autrement, The Great Depression, par exemple, de Robbins, c'est 1934. C'est, on est en plein milieu de la crise, elle n'est pas finie. Il dit, voilà, c'est la Grande Dépression, par exemple. Exactement. C'est lui, ainsi qu'on la qualifie, d'ailleurs, souvent dans le monde anglo-saxon. Absolument. C'est pour montrer que c'est un phénomène complètement sans précédent par rapport à ce qui avait pu arriver auparavant. Le terme de dépression avait été utilisé précédemment pour parler de stagnation prolongée, notamment pour l'extrême fin, la fin du 19e siècle, entre les années 1875 et 95, où il y avait eu une période de stagnation assez prolongée dans un certain nombre de pays occidentaux, notamment en Angleterre. Robbins lui dit, non, il faut donner un sens plus profond à ça. La dépression, c'est comme pour une personne, c'est un moment d'effondrement. Et là, on est vraiment dans une situation d'effondrement au moment où il écrit son livre. Et ce qui est particulier, c'est qu'au moment où il écrit son livre et il est publié en 1934, eh bien, un certain Albert Préjean, très connu des amateurs de chansons françaises des années 30, grand chansonnier et grand chanteur de l'époque, donc pour un film qui s'intitule « La crise est finie » de Robert Siodmak, chante « La crise est finie ». Tout ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu frais. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur coule, faut rien n'est trop beau, car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. 1934, Albert Préjean, La crise est finie, pour un film français signé du grand cinéaste Robert Siodmak. Il évoque l'âge d'or, qui est aussi évoqué souvent pour l'Amérique de la fin du 19e siècle, The Gilded Age. C'est un moment très important où, effectivement, on a l'impression d'une sorte de bulle, là aussi, économique, de prospérité rapide entre 1870 et le début du 20e siècle, qui sert aussi dans la mémoire de chacun qui investit en bourse, par exemple, ou qui analyse ses investissements en bourse, de référence, soit négative, soit positive, Pierre-Cyril Dewoker. Oui, ce qui me frappe effectivement, c'est cette invocation de ce qu'on appelle en France la Belle Époque, effectivement, qui est avant la Première Guerre mondiale, bon, qui se justifie par l'ampleur des dégâts et par la déstabilisation profonde de l'économie et de la société française, provoquée d'abord par la guerre, ensuite, peut-être secondairement d'ailleurs, par la crise de 29. Cette invocation aux États-Unis, elle se rapporte avant 1914, mais en fait, principalement aux années 20, parce que la guerre n'a pas le même effet dévastateur sur l'économie américaine, qui continue à s'enrichir. Et dans les années 20, c'est peut-être le moment où l'écart de niveau de vie entre les États-Unis et l'Europe est le plus considérable, et où effectivement ce modèle américain est invoqué, comme le disait l'article de l'Humanité, par tout le monde, parce que on pense qu'il faut suivre ce modèle pour enrichir tout le monde. Et même si il y a des pauvres aux États-Unis, et au moment où cet article est écrit, c'est surtout les fermiers qui sont pauvres aux États-Unis, une grande partie des fermiers, mais il n'empêche que le modèle de société américaine inspire beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs la grande crainte de l'Humanité, c'est de voir ses fidèles le déserter à cause de cette supériorité du niveau de vie américain. Oui, et donc effectivement, ce qui est extrêmement intéressant dans cette crise de 1929, nous viendrons plus tard à la crise de 2008 qui est au cœur de notre série de la Fabrique de l'Histoire et aussi de beaucoup d'autres émissions de la Fabrique de l'Histoire de France Culture cette semaine. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un mécanisme qui se met en route depuis les États-Unis, mais dont on ne sait pas très bien quel est le déclencheur. Est-ce que c'est justement une crise des matières premières? Est-ce que c'est une crise bancaire? Est-ce que c'est une crise financière? Et qui va ensuite se répandre, mais en vagues relativement lentes, pourrait-on dire, et qui vont durer longtemps dans le reste du monde, et en particulier en Europe, Pierre-Cyril Hocker. Oui, effectivement. La chanson « La crise est finie » apparaît un moment, sort à un moment où la crise en France n'est pas finie du tout, puisqu'elle, le point bas de la crise en termes de production nationale brute, par exemple, est atteint en 36-37 en France. Donc on est vraiment encore loin, en 34, de cet achèvement. Autant les gens considèrent souvent que la crise a commencé tard, autant elle va durer longtemps en France, parce que la France est d'abord insérée dans un système économique mondial, et que elle absorbe à certains égards les conséquences de ce qui se passe autour d'elle autant qu'elle n'a une capacité à avoir une crise, autant qu'elle a une crise spécifique et une capacité propre à y répondre. C'est d'ailleurs une des grandes choses qui font percevoir l'impuissance du politique à ce moment-là, et une impuissance du politique qu'on a retrouvée en partie en 2009, où on demandait aux hommes politiques français de prendre des mesures tout seuls, alors que comme en 1930, 31, 32, il fallait prendre des mesures coordonnées. Et la grande différence peut-être que j'anticipe un petit peu, mais la grande différence entre les années 30 et la période récente, c'est la capacité de coordination qui a progressé au niveau européen par rapport à ce qu'elle était. Heureusement, on apprend un peu. Il y avait des hommes politiques en 1930 qui essayer de construire les États-Unis d'Europe. Je vous rappelle le discours de Briand devant la Société des Nations appelant la réalisation des États-Unis d'Europe. Ou l'allemand Stresemann qui malheureusement meurt en 1929. Voilà, Stresemann, Chamberlain et Briand reçoivent le prix Nobel de la paix pour leur action commune, en 1926 je crois. Et ils ont essayé de construire un ensemble économique et politique coordonnées, qui soient capables de sortir l'Europe de la dépendance complète envers les États-Unis. Ils n'ont pas réussi. Espérons que nous avons fait un peu mieux depuis. Alors donc, il y a ces tensions, pourrait-on dire, entre chacun des pays, ces rétractations, ce protectionnisme qui se met en place à partir du moment où les premiers signes d'une crise se déclenchent. Et cela, évidemment, c'est un mécanisme extrêmement intéressant à observer, qui fait aussi que les historiens de l'économie, Pierre-Cyril Hocker, n'ont évidemment pas les mêmes analyses, pourrait-on dire. Vous citiez tout à l'heure Milton Friedman ou Bernanke, qui ont des analyses plutôt libérales et monétaristes sur cette crise de 1929, mais d'autres disent, évidemment Keynes et d'autres qui sont proches de Keynes, disent que ça n'est pas justement des questions monétaires qui sont en cause, mais d'autres questions en particulier de politique des États entre eux, et à l'intérieur de leurs propres frontières, Pierre-Cyril Hocker. Oui, ce qui est frappant dans les années 30, c'est notamment que le protectionnisme n'est pas une réponse technique destinée à régler des problèmes de balance des paiements. C'est d'abord la conséquence d'une situation politique. J'ai la situation politique à la fois au sein de l'Europe, avec la rivalité à trois entre France, Angleterre et Allemagne, qui ne se résout pas pendant toute la période, la France demandant de manière répétée la protection contre ce qu'elle considère comme le risque allemand, et l'Angleterre considérant que le risque français est aussi grand que le risque allemand, et ainsi de suite. Donc on a en permanence des tensions politiques qui vont se traduire par une incapacité à se faire confiance suffisamment pour coordonner des choix économique en réponse à la crise. Et les États-Unis qui dominent totalement le champ, qui dominent le système des échanges internationaux, qui ont des excédents de balance des paiements, vont eux-mêmes mettre en place une politique protectionniste qui est totalement contradictoire avec leur situation économique, sans parler même de leur rôle qui devrait être celle d'un leader qui tire le reste de l'économie vers le haut en relançant son économie. Ils font exactement l'inverse de ce qu'on attendrait. Alors, effectivement, le paradoxe, c'est que certains vont dire, mais regardez, les États-Unis s'en sont tirés. Oui, ils s'en sont tirés, mais en écrasant le reste du monde. Mmh. Donc, on peut espérer qu'effectivement, on a un petit peu appris de ce genre de ce genre de situation. Alors, il y a à la fois cette crise bancaire qui se développe dans un premier temps, avec des faillites de banques en cascade, d'abord aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde, et qui vont, donc ces faillites de banques, faire que le crédit va manquer, va faire également que les investissements vont devenir impossibles, vont faire que, également de l'autre côté, la Grande-Bretagne va se retrouver en situation difficile et se séparer de l'étalon or. Et à partir de ce moment-là, ça n'est plus un concert des nations, mais c'est une sorte de très grande discordance des nations qui va apparaître dans ce monde qui est déjà, il faut le rappeler, globalisé, mondialisé, même s'il l'est moins que celui que nous connaissons aujourd'hui, Pierre-Cyril Hocker. Oui, alors les crises bancaires ont souvent été lues comme un phénomène fondamentalement américain, et comme la cause centrale de la dépression aux États-Unis, de son approfondissement. C'était la thèse de Friedman, c'est encore celle de Bernanke. C'est des crises bancaires à répétition et qui sont surtout la crise d'une multitude de petites banques. Ça a certainement un rôle important aux États-Unis. Le débat actuellement consiste surtout à savoir si les crises bancaires sont la conséquence de difficultés économiques ou sont complètement autonomes. Et il est probable qu'elles sont la conséquence, mais qu'elles servent d'amplificateur à la crise. Bon. Ce qu'on a souvent négligé, c'est le fait que les crises bancaires en Europe sont indépendantes, très largement, et extrêmement forte également, non seulement en Autriche et en Allemagne, comme ça a été dit souvent, mais aussi en France, où j'ai plusieurs collègues qui sont en train de montrer qu'on a sous-estimé l'importance de la crise française, et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en France, on n'a pas, vous allez trouver ça drôle, mais en France, on n'a pas de réglementation des banques à l'époque, donc on n'a pas de statistiques bancaires, et donc il faut aller chercher les données de manière... il faut aller au charbon dans les archives. Et il faut faire le travail que faisait Jean Bouvier sur le Crédit Lyonnais dans les années 50. Voilà, mais il l'a fait sur une banque, et maintenant on le fait sur 500. Voilà. Ouais. Et effectivement, on s'aperçoit que finalement la crise bancaire française, elle a lieu très tôt, et qu'on a un phénomène européen de crise bancaire qui aboutit notamment à la dévaluation de la livre en 1931, qui est le moment où l'Angleterre décide de sacrifier sa monnaie à la survie de son système bancaire. Il préfère garder le système bancaire, qui est sur le point de s'effondrer, mais en détruisant sa monnaie, elle détruit tout le système des échanges internationaux. Oui, c'est-à-dire que vous montrez bien dans votre travail sur la crise de 29 aux éditions La Découverte, Pierre-Cyril Hocker, combien cette crise est le résultat aussi d'un manque de coopération internationale. Vous dites, on ne veut plus discuter avec l'autre, parce qu'on comme dans un bateau qui coule, on essaye de sauver sa peau d'abord, et essentiellement en faisant en sorte que ses propres citoyens soient protégés, au détriment du reste du monde. Absolument, et dans une perspective qui n'est pas exclusivement et même pas principalement économique, le moment où on a accusé le plus la France de non-coopération pendant la crise bancaire allemande, c'est le moment où les Français sont prêts à coopérer, la Banque de France a les moyens, c'est la seule banque qui a les moyens de le faire, mais au même moment, l'Allemagne et l'Autriche annoncent une union douanière. Et ça, c'est intolérable parce que c'est une violation du traité de Versailles, et le gouvernement français le craint pour des raisons militaires, politiques, pas du tout pour des raisons économiques. Il est prêt à soutenir, mais à condition que l'Allemagne rentre dans le jeu des nations avec des intentions pacifiques, et on lui propose au même moment l'Union européenne, anticiper. Oui, ce qui est quand même extrêmement intéressant, Pierre-Cyril Hocker, avec cet exemple de 1929 que nous allons peut-être décliner avec la crise de 2008 dans un instant, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'économie sans la politique qui va avec. Il n'y a pas d'économie sans la politique des peuples qui sont concernés par la crise qui leur tombe dessus, mais également des gouvernements qui veulent faire de la politique et qui ont d'autres agendas que des agendas purement bancaire, financier, économique, Pierre Cyril Auqueur. Absolument. Dans chaque pays, il y a l'interaction, et c'est ça qui rend la chose très compliquée au niveau international, il y a l'interaction entre la politique intérieure, droite-gauche, pour simplifier, et la politique internationale. Aux États-Unis, où Roosevelt n'arrive que tardivement, il réussit 1933. À présenter son changement politique intérieur, les démocrates succédant aux républicains, comme la possibilité d'un renouveau économique et l'idée du New Deal, etc. Dans la réalité, les politiques économiques suivies ne sont pas tant que ça en rupture, en tout cas pas au début par rapport à ce que faisait Hoover, mais en revanche, le fait qu'il y ait un changement politique de la succession des démocratiques permet de tenir un discours qui va convaincre que qu'on a un changement de régime. Effectivement, le point sur lequel ça va se traduire, c'est le changement de régime monétaire. Et ensuite, il va réussir à décliner quelque chose qui va être, au départ, le renforcement de l'État central par rapport aux États fédérés. Et ça, c'est un enjeu classique et majeur de la politique intérieure américaine. Pretty mama, don't you tell on me. I'm stealing back to my same old used to be. Now put your arms around me like the circle around the sun. I want you to love me, mama, like my easy ride I've done. If you don't believe I love you, look what a fool I've been. If you don't believe I'm sinking, look what a hole I'm in. Stealing, stealing. Pretty mama, don't you tell on me. I'm stealing back to my same old used to be. I'm stealing, stealing. Pretty mama, don't you tell on me. I'm stealing back to my same old used to be. Stealing par le Memphis Jug Band pendant la crise donc des années 20-30 aux États-Unis. Alors la seconde grande contraction, dit-on, de l'économie mondiale, c'est Kenneth Rogoff et Carmen Reinhart qui le disent, c'est celle de 2008. On pourrait penser qu'il y a d'autres crises qui ont pris la place entre les deux, mais elles sont moins importantes que celle de 1929. Et comme vous nous l'expliquiez au début de cette discussion, Pierre-Cyril Auqueur, on compare généralement cette crise de 2008, dont on va parler pendant toute la semaine sur France Culture, à celle de 1929, parce que c'est la seconde grande contraction. Alors c'est la seconde grande contraction, mais en un sens, comme l'aurait dit Marx, c'est en mode comique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le degré de violence, le degré de dépression, grâce à l'action qui a été menée par les hommes politiques et les banques centrales. On a une année, deux années de crise aiguë en 2008-2009, mais après, on a une stabilisation et on a plutôt une longue période de stagnation plutôt que l'aggravation pendant 4 voire 5 ans qui avait été observée dans les années 30. Faudrait pas trop le dire aux Grecs dont on s'est félicité la semaine dernière de la sortie des plans multiples de restructuration et de contrôle du FMI ou de l'Union européenne sur leur propre compte, parce que eux considèrent que cette crise elle a duré au moins cette durée-là, c'est-à-dire ces 10 années. Je pense que pour tout le monde, la crise a duré ces 10 années. Je veux dire, le PNB par habitant en France n'a pas dépassé son niveau de 2008. Hein. On est dans une période de stagnation longue, mais on n'a pas eu une chute. On n'a pas atteint 25% de chômage comme on a eu en 1933 en Allemagne ou aux États-Unis. On n'est pas à ce niveau de violence. En revanche, on a un étalement très long, et pour l'instant, on n'a pas de véritable sortie de cette situation-là, sauf peut-être aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on peut se poser. On a passé tout à l'heure ce titre « La crise est finie » d'Albert Préjean de 1934. Comment sait-on qu'on est sorti d'une crise aussi importante que celle de 1929 ou celle de 2008, si on en est sorti un jour? Quand on réfléchit, une génération comme la nôtre, la vôtre et la mienne, a connu la crise pétrolière et n'a cessé d'entendre ce terme de crise depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc on se dit, tout compte fait, c'est peut-être une crise plus importante que les autres, mais ce terme de crise est présent de façon continue dans notre discours. Oui, alors ça c'est une caractéristique très française. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on a ce sentiment d'être en crise continue depuis 40 ans. Et je pense que c'est lié au fait qu'en France, le chômage n'a jamais réellement disparu. Il a baissé par moment, mais il n'a jamais disparu, alors que dans beaucoup d'autres pays, on a un chômage qui est descendu en dessous de 4%, ce qui techniquement veut dire pas de chômage. Alors comment est-ce qu'on évalue qu'on a une crise? Il y a une manière de faire que les macroéconomistes apprécient beaucoup, c'est de prendre la tendance moyenne de la croissance sur très long terme, un siècle et demi, et de regarder si on est en dessous ou au-dessus de la tendance. Si on est en dessous de la tendance, c'est qu'on est encore dans la crise. Mmh. Et c'est le cas actuellement par rapport à depuis 2009. C'est une mesure qui est un petit peu simpliste, mais bon, qui a son efficacité. L'autre manière de voir, c'est de prendre des indicateurs, notamment le chômage, qui touche directement la population. Quand il y a beaucoup de chômeurs, c'est qu'il y a un problème. Alors peut-être que c'est parce qu'on a des politiques qui privilégient d'autres variables et que le chômage en est la conséquence. Mais en attendant, effectivement, pour une partie significative de la population, c'est une vraie crise. Alors, quand cette crise se déclenche aux États-Unis en 2008, elle a quelles caractéristiques différentes par rapport à celle de 1929? Évidemment, entre 1939, fin et début de la Seconde Guerre mondiale, fin de la période de crise, pour entrer dans une crise bien plus grave et bien plus chaude, et donc plutôt la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, et 2008, il y a un long temps, avec des mesures qui ont été prises au niveau international pour réguler les échanges internationaux, pour éviter ce type de crise. Qu'est-ce qui s'est passé qui, d'une certaine façon, a fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre-Cyril Auqueur, eh bien, le dur de la crise a duré 2 ans et qu'ensuite, ça s'est plus étalé sur plusieurs années? Alors, d'abord, si le déclenchement même tel qu'il est raconté habituellement, se passe sur les marchés financiers, un marché un petit peu différent, plutôt boursier, plutôt hypothécaire, plutôt boursier en 29, plutôt hypothécaire en 2008. Avec la crise des subprimes. Voilà. Si chaque fois, le problème est de savoir si le système bancaire est contaminé ou pas, une des différences importantes, c'est que la taille des établissements. Est devenue plus importante aujourd'hui qu'elle n'était. C'était des milliers de petites banques qui ont fait faillite aux États-Unis dans les années 20 et 30. Certaines, dites-vous dans votre livre, n'ayant qu'un guichet, par exemple. Et là, ce sont de très grosses structures financières. Voilà, là, on a eu peur, effectivement, et on a laissé tomber une très grande banque. On en a vu un grand nombre vaciller. Lehman Brothers, donc on a sauvé Bear Stearns, on a sauvé les Government Sponsored Entities qui étaient Freddie Mac et Fannie Mae. On les a nationalisés. Merrill Lynch a été racheté. AIG, qui était le plus gros assureur mondial, a lui aussi été nationalisé, etc., etc. Donc, la grande différence, peut-être, c'est ça, c'est que le pouvoir fédéral aux États-Unis avait la capacité technique, à la fois la taille de la Fed, sa compétence accumulée, sa connaissance du système, son expérience sur d'autres crises, etc., telle que il se sentait capable de traiter, et les gens qui ont pris les décisions, qui ont permis d'intervenir. Ce qui, dans les années 30, n'allait pas de soi. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait laisser tomber toutes ces petites banques et que même si quelques grosses tombaient, c'était pas forcément très grave. Et il y avait une hostilité idéologique beaucoup plus forte à l'intervention à l'époque. On parlait de socialisme étatique à propos des mesures qui ont pu être prises, par exemple, par le gouvernement Roosevelt. Voilà. Alors, d'un autre côté, la fragilité du système financier international est beaucoup plus grande aujourd'hui parce que Parce que la tendance naturelle des institutions financières, c'est de prendre le maximum de risques, parce que le maximum de risques autorisé, c'est ça qui permet de gagner plus d'argent. Et au fur et à mesure qu'on trouve des régulations protégeant contre des risques, en fait, on a tendance à accroître le risque, ce qui fait que la situation n'est pas forcément plus sûre aujourd'hui qu'elle n'était. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la durée qui prépare la crise. 1929 est préparé par une bonne année où certains oiseaux de bonne ou de mauvaise augure annoncent qu'on va à la catastrophe. Ils sont peu nombreux, puisque tout le monde pense que c'est une prospérité sans fin qui se met en place. C'est un peu le même cas en 2008, dès 2006, 2007, certains avertissent et s'en souviennent qu'ils ont averti, comme quelqu'un qui a beaucoup joué avec les marchés financiers. Il s'appelle Georges Soros, il était au micro des Matins de France Culture le 18 septembre 2008, au micro d'Ali Badou. Donc c'est la fin d'une ère. Et nous sommes maintenant au cœur de la crise financière la pire de notre vie. The worst since the 1930s. La pire depuis les années 30. And it's really amazing. Et c'est vraiment étonnant. How this fantastically powerful, la façon influential, machine, dont cette machine extraordinairement puissante, le capitalisme financier, pouvait être fondé sur des fausses conceptions. Mais c'est ce qui se passe. Ça vous surprend ce qui se passe aujourd'hui? Non, je l'attendais. En fait, je suis connu pour être l'homme qui a crié au loup au moins trois fois. J'ai écrit sur ce sujet il y a 20 ans dans mon livre L'alchimie de la finance. Et en 1998, j'ai écrit un livre sur la crise du capitalisme mondial. Et c'est la troisième fois. Et je crains que j'étais un petit peu trop tôt. J'arrivais trop tôt dans les occasions précédentes, mais cette fois-ci, il y a véritablement la fin d'une ère. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. C'était Georges Soros au matin de France Culture en septembre 2008, donc il y a exactement 10 ans, traduit par Michel Zlotowski. Et il dit, voilà, moi, lui qui a beaucoup joué sur le marché d'échange en particulier, et qui a fait sa fortune sur ces questions-là, en particulier dans l'attaque contre la livre, il dit, voilà, les marchés financiers, j'ai déjà averti depuis très longtemps, depuis 20 ans, dit-il, ça fait donc 30 ans maintenant, de leur dangerosité et des risques qu'ils font prendre au système économique. Oui, alors il y a un certain nombre d'économistes ou d'investisseurs comme Soros qui font remarquer ces risques. Mais Soros disait c'est la fin d'une époque. En réalité, c'est pas la fin d'une époque. On a eu une intervention, on a résolu le problème localement, mais depuis, on est revenu exactement avec les mêmes pratiques. On n'a absolument pas changé le mode de comportement des institutions financières. Bulle Internet dans les années 2000, la Fed dit on va faire très attention, etc., etc. Et puis la bulle immobilière en 2008-2009, etc., etc. C'est-à-dire qu'effectivement, un support... On change de support, mais la spéculation continue à agir. Mais pour une raison, c'est que on a critiqué les modes de fonctionnement des systèmes financiers mis en place pendant la période keynésienne des années 40 aux années 60. On les a critiqués de manière souvent très profonde. On les a remis en cause et on a créé un grand marché financier unifié qui couvre toutes les catégories d'actifs, toutes les catégories de prêteurs, toutes les catégories d'emprunteurs, etc. C'est quelque chose qui a été fait aux États-Unis dans les années 60, à la fin des années 70, dans les années 80, en France aussi à partir de 1984. Et on n'est pas revenu là-dessus. On est toujours convaincu que c'est ça la seule solution. Or, vous dites que le régime économique, monétaire et social qui était issu des années 30 a été détruit justement dans ces années 1980, oui. Pierre-Cyril Hocker, et au profit de ce système que vous décrivez voilà, maintenant. Dans lequel la finance mondiale unifiée est centrale. Et dans la réponse à la crise de 2008, en fait, on a surtout veillé à protéger les banques d'un effondrement, mais on n'a pas toucher à ce qui est la cause principale des menaces sur les banques, et pas seulement sur les banques, aussi sur l'ensemble des activités économiques, qui est ce marché financier unifié sur lequel ont lieu des comportements dont on sait très bien qu'ils n'apportent à peu près rien en termes d'économie réelle, mais qui en revanche créent des risques considérables. La création par exemple des véhicules spéciaux, donc dans la titrisation des banques, donc tous ces crédits qui sont distribués par les banques au titre de créances, c'est que les investisseurs achètent et vendent, et parfois la retitrisation sur cette même titrisation que s'échange dans des paniers, donc mélangés avec d'autres valeurs, des acheteurs et des investisseurs, elles sont noyées au milieu de tout cela, et donc elles peuvent, si évidemment il y a une crise qui se déclenche, entraîner par jeu de domino, tout un tas d'autres valeurs dans leur chute. Absolument, on a fabriqué des produits financiers que personne ne comprend. À la rigueur, on les comprend de manière dans le détail, mais on ne les comprend pas dans leur comportement globaux et agrégé. Et on s'est soucié de la protection des banques, mais on ne s'est pas soucié du fait qu'à côté des banques, il y a maintenant tout ce qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking system, qui est en fait aussi important pratiquement que les systèmes bancaires. Et ce qui a failli renverser l'économie mondiale en 2008, c'est pas seulement les banques, c'est aussi AIG, vous l'avez mentionné, c'est Freddie Mac, Fannie Mae, des institutions qui ne sont pas des banques. Or, on a protégé les banques, mais on n'a pas fait en sorte que ces comportements financiers soient réellement contrôlés. C'est très compliqué parce que effectivement, ça ne peut se faire qu'au niveau international et que les pays ne sont pas prêts jusqu'à présent à se mettre réellement d'accord là-dessus. Ils ont fait des grandes déclarations, il y a eu des G20 spéciaux, etc. Dès que ça a été un tout petit peu mieux, tout le monde a cherché à tirer la couverture à soi. L'Union européenne essaye d'aborder cette question de manière unifiée, mais on voit bien les difficultés qu'il y a avec le Luxembourg, avec quelques paradis fiscaux internes, mais aussi avec Londres qui est sortant de l'Union européenne, peut-être nous donne la possibilité de vraiment réguler ces choses-là, mais est-ce qu'on acceptera d'avoir une Union européenne dont la place financière principale est à Londres? Certainement pas, et ça risque de créer à nouveau des tensions, des crises qui sont devant nous. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on analyse cette crise de 2008, même des gens comme Alan Greenspan, qui sont des acteurs de cette crise, parce qu'ils n'ont pas vraiment stoppé à temps, peut-être, pourrait-on dire, ce qui était en train de se développer aux États-Unis. Lui qui a dirigé donc la Fed à cette époque-là, déclarait en 2007, le monde est gouverné par les forces du marché, les politiques ne peuvent plus faire grand-chose vis-à-vis de ces forces du marché. Il y a comme une sorte de fatalisme, pourrait-on dire, sur l'incapacité des politiques à s'entendre et à surtout contrôler justement ce désir de prospérité qui est celui de ces investisseurs multiples sur les marchés financiers mondialisés. C'est étrange parce que entre-temps, depuis la crise de 29, on a mis en place des systèmes qui sont théoriquement là pour pouvoir contrôler les marchés financiers pour que les gouvernements puissent prendre des décisions communes, les G7, G20, etc., Pierre-Cyril Hocker. En matière financière, réellement, il n'y a pas de coopération internationale suffisamment systématique pour contrôler les comportements des marchés. Même quand on met en place pour les banques des réglementations comme Bâle 3, par exemple, qui sont issues directement de cette crise. Ce que je disais, effectivement, sur les banques, on a réussi, mais les banques ne sont plus qu'une partie de l'activité. Et les banques elles-mêmes ont une activité qui est de plus en plus influencée par celle des marchés financiers. C'est-à-dire que la manière de penser des banquiers, autrefois, c'était d'examiner chaque emprunteur individuellement. Aujourd'hui, c'est de penser en termes de portefeuille. Le portefeuille, c'est le comportement d'un financier. Les banques sont influencées par ça et personne n'a d'autre modèle de pensée à proposer. Qu'est-ce que les historiens de l'économie, comme vous, Pierre-Cyril Hocker et bien d'autres, peuvent-ils dire, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur justement une crise aussi récente que 2008? On a expliqué tout à l'heure que celle de 1929 était encore une sorte de maître étalon de l'analyse des historiens de l'économie et qu'on y revenait tout le temps comme étant la crise qu'il fallait absolument analyser dans son parcours d'historien de l'économie. Qu'en est-il de celle de 2008 et qu'est-ce qu'on peut en dire à si courte échéance? Parce que 29, c'est loin. Bien sûr, on est très loin de pouvoir l'analyser de manière complète. Et on n'a pas les sources qu'on a pour les crises antérieures. Mais la chose que j'essaye d'expliquer à mes étudiants quand ils veulent travailler sur le contemporain, c'est que le regard historique permet de faire penser à toute une série de d'explications, d'interprétations auxquelles on ne pense pas spontanément sur le contemporain. Par exemple, quand on a analysé la crise de 29, Charles Kindleberger, dans son grand livre de 1973, je crois, expliquait que le problème central, c'est qu'il n'y avait pas de puissance hégémonique, qu'on était en transition entre l'hégémonie anglaise et l'hégémonie américaine, et que par conséquent, face à la crise de 29, il n'y avait pas de puissance hégémonique capable d'assumer son hégémonie et de dire « voilà comment je vais organiser le monde ». Ce que feront les États-Unis après 1945, 44 en particulier Bretton Woods, ce qu'a fait d'une manière plus informelle, mais que faisait quand même l'Angleterre au XIXe siècle. Bon. Aujourd'hui, ce genre de problème doit être pensé aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à l'achèvement de l'hégémonie américaine quand on voit le comportement du président des États-Unis qui, vis-à-vis d'alliés majeurs comme la Turquie, considère qu'en fait, il n'a plus à assumer réellement un comportement hégémonique, c'est-à-dire la pacification et l'organisation des relations entre différents pays qui potentiellement ne sont pas amis, mais que lui-même va obliger à s'asseoir à la même table. Le comportement du président des États-Unis suggère qu'en fait, il est en train de renoncer à l'hégémonie des États-Unis, tout en disant le contraire, pour un repli national. Et comme on n'a pas encore d'hégémonie chinoise, même si ça va peut-être nous arriver, on est à nouveau dans une situation intermédiaire. Voilà, c'est un exemple parmi de nombreux exemples de manières d'aborder un problème qui, pour lesquels l'expérience historique permet de penser à des choses qu'on n'a pas forcément spontanément en tête comme des explications de situations économiques concrètes précises. Alors on n'a pas eu le temps, ni vous ni moi, de le lire, mais il y a un petit mois, un grand historien de l'économie qui s'appelle Adam Tooze, qui est un Anglais qui travaille aux États-Unis, a publié Crashed, How a Decade of Financial Crisis Changed the World. Donc c'était fin du mois de juillet. Lui, il s'y est collé. Il est historien de l'économie, il a travaillé sur la Première Guerre mondiale, il a travaillé sur tout le XXe siècle en matière d'économie. Il s'est dit, ça vaut le coup en tant qu'historien de l'économie, de me coller à ce problème de 2008, Pierre-Cyril Hocker. Je suis persuadé qu'Adam Tooze a abordé ça avec cette vision extrêmement large, mondiale, économique, sociale et politique, qui est celle qui caractérise ses précédents ouvrages. Maintenant, j'ai hâte également de lire ce livre. Et il y a aussi, c'était il y a quelque temps, Alan Blinder, que je ne connaissais pas, qui avait écrit « After the music stopped », donc qui était aussi une analyse, justement, quand la musique s'arrête, de ce moment de crise particulière, qui était la crise de 2008. Vous, en tant que regard historien français sur cette question-là, vous avez été sollicité par le magazine, la série des Annales des Mines, qui s'intitule « Réalité industrielle », pour faire le même exercice. Il vient juste de sortir ce numéro d'août 2018, qui est intitulé « Il y a 10 ans, la crise, la régulation financière et ses nouveaux enjeux ». Pour faire le même exercice qu'à ce micro, entre crise de 29 et crise de 2008, qu'est-ce que vous diriez justement de cette crise de 2008 qui vous a surpris, qui vous intéresse, qui vous interpelle et dont la particularité mériterait d'être pointée du doigt par rapport à d'autres moments? Je crois que ce qui nous caractérise pour l'instant, c'est la grande difficulté qu'a la profession des économistes à sortir des cadres de pensée qu'elle a développés pendant les dernières décennies, à réintégrer des réalités sociales et politiques dans son cadre de discussion. Qu'est-ce que vous voulez dire, réintégrer des cadres sociaux et politiques? On sait que, par exemple, les inégalités ont des effets sur les comportements financiers. Mmh. Et la finance, c'est quelque chose qui est maîtrisé par une petite partie de la population. Et la manière dont ceux qui ont des patrimoines faibles ou modestes peuvent se comporter en matière financière est extraordinairement dominée par ce que décident les autres. On a passé des années à nous expliquer qu'il fallait faire des retraites par capitalisation parce que ça rapportait plus. Mmh. Depuis, on s'aperçoit que les rendements financiers sont soit extrêmement risqués, soit extrêmement faibles. On n'est pas certain qu'aujourd'hui, on entend d'ailleurs beaucoup moins ce genre de voix récemment. Il n'empêche que le modèle que tous les économistes ont en tête, c'est que c'est ça le point de référence par rapport auquel on doit. Or, dans une économie mondialisée, ce que font les autres a un impact considérable sur nous. Donc, face à la crise de 2008, réintégrer ce genre de questions, c'est-à-dire en quoi le financier, l'économique, le social s'articulent, c'est une question essentielle. J'ai quelques collègues qui essayent de le faire, mais ça reste un vrai défi pour les économistes aujourd'hui. Alors, je conseille à tous nos auditeurs d'écouter non seulement la série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette crise de 2008. Demain, nous parlerons des banques. Mercredi, du rôle de l'Europe. Et jeudi, le documentaire signé Anaïs Quien et Anne Fleury s'intéressera dans un reportage réalisé en Islande à la façon dont l'identité même de l'Islande a été bouleversé par cette crise de 2008, mais on pourra écouter aussi la Grande Table, par exemple aujourd'hui, où un économiste, Patrick Artus, viendra porter la parole des économistes 10 ans après, ou encore écouter les carnets de la création ou le grain à moudre mercredi, donc avec le capitalisme est-il à nouveau fréquentable, c'est mercredi, donc entre 18h20 et 19h, le programme est évidemment sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci beaucoup d'être revenu pour nous éclairer en ouverture de cette émission, Pierre-Cyril Auqueur. Merci de votre invitation. Pour les relations entre crise de 29 et crise de 2008, je rappelle que votre petit repère La Découverte est publié donc il y a quelques années, s'intitule La crise de 1929 et que vous avez publié un article dans ce numéro spécial des réalités industrielles des annales des mines, il y a 10 ans la crise, la régulation financière et ses nouveaux enjeux, c'est le numéro d'août 2018. Cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, également Céline Leclerc qui nous rejoint et que je salue pour toute cette saison de la Fabrique de l'Histoire. Lucas Vaillant était à la technique avec nous aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Nous nous retrouvons demain avec Anaïs Quien pour une émission consacrée au rôle des banques pendant cette crise de 2008.